vacation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 96e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur Arjeux.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike, et comme toutes les semaines, je débarque sur votre radio favorite à la même heure. Merci à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints. Vous êtes 556 sur la page officielle, et je sais qu'il y en a un peu plus. Merci, merci aux nouveaux d'être venus, et merci aux anciens d'avoir partagé. On commencera tout de suite cette émission avec Back to the Primitive de Soulfly. C'est sur l'album Primitive, leur deuxième album, sorti le 26 septembre 2000. On retrouve Pain, Son Song avec Sean Lennon, et In Memory of, un classique. On continuera avec une nouveauté, Dirty Water, le nouveau Fighters. C'est sur l'album Concrete and Gold, leur neuvième album, sorti le 15 septembre dernier. On retrouve Run, Make It Right, Concrete and Gold, un excellent album. On continuera avec Tout Droit de Sync, c'est sur l'album Sync ST, sorti en 2016. On retrouve Une Autre Vie, Elle Sera La Si Lourde, un texte de Boris Vian et Le Désert. J'ai ouï dire qu'ils préparent un nouvel album. Allez sur la page Facebook de Sync, ils sont aussi sur Bandcamp, c'est du très bon son, du gros lourd. On continuera avec une autre nouveauté, No Regrets de Accept, c'est sur l'album de Rise of Chaos, leur 15e album sorti le 4 août 2017. On retrouve All in the Head de Rise of the Chaos et What's Done is Done. Et on finira ce bloc en live avec un classique, Pick Myself Up de Peter Tosh. C'est sur le Live at My Father's Place sorti en 1978. On retrouve African, Bush Doctor, Legalize It, du son culte reggae.

in the morning sun, watching all the birds pass by. Oh, how sweet they sing. Oh, how much I wish I could fly. And I try, I said I try. But I got to live for myself, just myself, and I start all over. I said I start all over. Said I pick myself up, and I dust myself off, and I start all over. Every time I start all over, sitting in the midday sun, wondering where my meal's coming from. After working so hard, not even piece of bread I'll be out. And you know I try, the Lord I try. I said I try, but I got to pick myself up, and I dust myself off, and I said I start all over. Every time I start all over, I said I pick myself up, and I dust myself off, and I start all over. Every time I start all over. Sitting in the evening sun, watching the same birds passing by. I've been sitting and wondering, waiting for the time to fly. And you know I try, I said I try. Good Lord, try, and I really try, but I pick myself up, and I dust myself off, and I start all over. Every time I start all over, I said I pick myself up, and I dust myself off. Jusqu'au dernier applaudissement, le Peter Tosh. Vous êtes toujours dans la 96e Vampire Flick, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bug de départ, là. Back to the Primitive de Soulfly, Dirty Water, le nouveau Fighters, Tout Droit, le nouveau Think, No Regrets, le nouveau Accept, et Pick Myself Up, de Peter Tosh en live. On continuera cette émission avec Bon à rien de Lofofora, c'est sur l'album Peu, sorti en août 1996. On retrouve la suite Envie de tuer, Macho Blues et la superbe reprise de Vive le feu des Berrues. On continuera ensuite avec When I Was Young de Ramones, c'est sur l'album Acid Eater, sorti en 1993. Il est composé uniquement de reprises et c'est l'avant-dernier album des Ramones. On retrouve Substitute, My Back Pages et Have You Ever Seen the Rain, qui est à la base des Creedence Clearwater. Et notamment, enfin, justement, toutes ces reprises, c'est sympa, mais bon, ils nous avaient habitués à mieux que ça. On continuera avec African Chanting de Matthew McAnuff, c'est sur l'album Be Careful, sorti le 15 juillet 2013. On retrouve Jabless, No Segregation, Be Careful, un immense talent parti trop tôt. On continuera avec une nouveauté, Le Loup, le nouveau King Kong Blues, c'est extrait d'un album à sortir d'ici la fin d'année. Allez sur la page Facebook de King Kong Blues avec un K comme crocodile. Et on finira ce bloc en live avec Rabat-Joie de Yannis Audouin. C'est sur le live au Paléo Festival en 2015. On retrouve Laisser rouler, Moment idéal et Rouge Jaune Vert, un excellent reggae. Yeah. much stronger there. I believe in fellow men, and I was so much older there. When I was young, when I was young. it to one nation so greedy. Them have on yet them silver from the poor and the needy. Willing in syndrome, not for them I work alpha. I try for this unify, divide we and conquer. Africa, can you hear me calling? We are free rich on me, 7 and a stalling. African chanting, wow, we chant down Babylon. Because they take us, yeah, out of our homeland. African chanting, wow, we chant down Babylon. Why don't they leave us alone? Yeah. Situation ambiguë, imprévue, devenue, répandue. sans faire, se battre pour former nos frères et sœurs. On a déjà fait des erreurs, je parle en tant que connaisseur. Y'a un temps pour chaque chose, c'est pour le moment, je crois que c'est l'heure de remettre un peu de fraîcheur sur la situation d'école. Le tarnagé n'est pas seul, conseil ne laisse pas l'école. Ce n'est pas juste un symbole, ta vie c'est toi qui la contrôle. Il ne vaut mieux pas jouer le rôle, non, non, non, non, non. Sinon sa direction la jolle, le poisson brisé. Je ne viens pas vers le ravage, on y jouer au papa. Mais je vais à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas vers le ravage, on y jouer au papa. Je ne suis pas candidat au légal, l'éducation commence par soi. Je ne viens pas vers le ravage, on y jouer au papa. Mais je vais à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. J'ai déjà vu trop d'imbus étendus à l'affût. Sans s'éteindre, la mille continue. Et en destin, une situation ambiguë, imprévue, devenue répandue. Mais ces dames, c'est que le début. Par la peine d'être tout le temps sur le dos, ne prennent pas pour les très idiots. Ils restent dans les royaumes familiaux. On dit qu'ils chantent, ils sont un cadeau. Les dames ne sont pas beaux, sont mon dos. Pour la peine de leur faire tout plein de cadeaux. Si tu leur donnes pas ce qu'il leur faut, dans l'amour et dans l'enfant. Ah, y a du lourd cette semaine. Vous êtes toujours dans la 96e Vampire Freak, si c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bloc qui arrache les oreilles là. Bon rien de Lofofora, When I Was Young de Ramones, African Chanting de Matthew McAnuff, Le Loose de King Kong Blues. Allez sur la page Facebook de King Kong Blues, il va y avoir un bandcamp et tout ça, vous allez voir, ça va être nickel. Et on a fini ce bloc en live avec Rabat-Joie de Yannis Audois. On continuera cette émission avec... Elle est du culte. Flakes de Frank Zappa et Bob Dylan, entre autres. Il y a deux ou trois autres chanteurs. C'est sur l'album Shake Your Booty, sorti le 3 mars 1979. Il a été enregistré en public. On retrouve Broken Hearts, Heart from a Soul, Rubber Shirt et l'énorme de Shake Your Booty Tango, du son culte. On continuera avec Godfrey's Will de Seminole. C'est un single sorti il y a un an ou deux. On peut les retrouver sur Facebook, YouTube, beaucoup sur YouTube. Allez faire un tour sur leur page. C'est vraiment génial. C'est du super rock progressif. J'aimerais qu'ils sortent un album. J'aimerais qu'ils fassent quelque chose de constructif. C'est vraiment génial. On continuera avec un groupe que j'adore. C'est Supersonic et leur titre c'est Ready to Rise. C'est sur leur premier LP, Supersonic, sorti en 2016. On retrouve Eya, What's Up et One Way Ticket. Allez sur la page Facebook de Supersonic, ils sont sur Bandcamp et YouTube et ils sont en composition actuellement. Il paraît qu'il va sortir un truc à faire, à suivre. On continuera avec une autre nouveauté, Kingston Be Wise de Protojay. C'est sur l'album The Eight-Year Affair, sorti le 12 février 2013. On retrouve I and I, This Is Not Marijuana Song et Shot by Love. Ouais, je sais, c'est pas tout à fait nouveau, mais moi j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc allez sur la page Facebook de Protojay, il est sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et c'est vraiment du très bon son. Et on finira ce bloc. Non, et ben pour une fois, ça sera pas en live, ça sera mais c'est du classique alternatif. On finira donc avec Big Gary Balouba de Ludwig von 88. C'est sur l'album Oulala 2 La Mission, sorti en 1987. On retrouve Louison Bobé Forever, Messire Quentin et Oui Oui et la voiture jaune, un classique de chez Classique. Flesh, flesh. They don't do no good. They never be working when they oughta should. They waste your time. They're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God, they got the most. At every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most. At every business on the coast. They got the flakes. Flakes, flakes. They can't fix your brakes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. they can be driving you crazy. Swear to God they got the most, and every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most, and every business on the coast. Take it away, Bob. I ask as nice as I could, if my job would somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mandy's bar? You know what? They didn't do nothing, but they charged me double for Sunday. Now, you know, no matter what you do, they're gonna cheat and rob you. Your sense is reeling, and if you do not pay, they got computer collectors that'll get you so crazy till your head'll go through the ceiling. Yes, it will. Busting a cage with a paper knife. All what we got here's American made. It's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Well, we don't get excited when it crumbles and breaks. We just get on the phone and call up some flakes. They rush on over and wreck it some more. And we are so dumb, they're lining up at our door. Well, our toilet went crazy yesterday afternoon. The plumber, he says, never flush a tampon. This great information cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yeah, yeah. Thank you. laughing, your puppy is crapping. You might call us flicks or something else you might call us. You know you're so greedy that you'll probably join us. We're coming to get ya, we're coming to get ya. Yeah.

fois des souvenirs de sang. Un pays merveilleux, sous les électrochocs, j'ai les neurones heureux, un sourire qui m'emporte. Souvenirs de vie, il m'a joué dans la tête. Encore la guerre repartir, j'ai la seule qui perd. Jerry Balouba, Chouba Chouba, Jerry Moulinistre, Chouba Chouba, Chouba Chouba, Jerry Katangé, Chouba Chouba, Jerry Simba. Des fans, de Stéphane dans des heures, la vie collée au mur, une mur de bonheur, des années de torture, la tête remplie de pub, oh, j'ai pas dans mes mains, on verre de ce que lui, je n'en comprends plus rien. Jerry Balouba, Chouba Chouba, Jerry Moulinistre, Chouba Chouba, Chouba Chouba, Jerry Katangé, Chouba Chouba, Jerry Simba. À Ludwig, vous faites toujours plaisir à entendre. Mais ce qui serait cool, c'est que vous, maintenant que vous êtes revenu, ça serait bien que vous fassiez un nouvel album, ça serait cool, avec des nouveautés. Genre un peu comme les soucoupes violentes, quoi. Alors, donc, vous êtes toujours dans la 96e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon, comme chaque semaine. On vient de s'écouter Flakes de Frank Zappa et Bob Dylan, entre autres. Godfrey's Will de Seminole, Ready to Rise de Supersonic, Kingston Be Wise de le nouveau Protojé. Allez sur la page Facebook de Protojé, et quand je dis Ready to Rise, et c'est, allez sur la page Facebook de Seminole et Supersonic aussi, je les oublie. Et bien sûr, on a fini avec Gary Balouba de Ludwig von 88. On continuera cette émission avec une nouveauté, I Am the King, le nouveau Motorize. C'est sur l'album Faster, Louder, Faster, leur premier EP, 5 titres sortis en 2016. On retrouve Cop, I Want All, Rock'n'Roll, I'm the King et Faster, Louder, Faster. Allez sur la page Facebook de Motorize, ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. Ils sont en train de préparer un album, là. J'ai eu des news, je l'attends. On continuera avec une autre nouveauté, Eva Tue-moi, le nouveau Conrad Fight. C'est sur leur premier EP, 5 titres, qui s'appelle EP. On retrouve Sur les quais, Eva Tue-moi, Noctambule, Le Long des Sillons et Cargo Blues. Ils sont chez Kebra Records. Allez sur la page Facebook de Conrad Fight. Ils sont aussi sur Bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et comme vous savez, je bidouille un peu de son. Et puis en ce moment, j'ai des problèmes de compositeur. Mais bon, ça, c'est les problèmes de Morchaine, c'est autre chose. Je bricole du son avec un petit voisin qui a un immense talent en rap. On a fait un petit truc ensemble, ça s'appelle Sourire Figé. C'est un single qui est sorti sur YouTube. C'est notre première collaboration, et il y en aura d'autres. Et donc ça s'appelle Sourire Figé de Ali Bankai. Allez sur la page Facebook de Ali Bankai et sur YouTube. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. On continuera avec Bursting Chaos de Mobius. C'est sur l'album The Line, sorti en 2016. On retrouve Ezerezi Ark, Rising Man, Dark Fates, Un petit coucou à Ellie, la chanteuse. Continuez comme ça, c'est du très bon son. Allez sur la page Facebook de Mobius. Ils sont aussi sur Bandcamp et même sur les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Fumée de l'Écrétin des Alpes. C'est sur le CD DVD Jouer dans ta ville, sorti en 2017. On retrouve Crétin Forever, Chevalier Crétin et Rastafarien Rasta à la maison. Allez sur la page Facebook de l'Écrétin des Alpes. Ils sont sur Bandcamp, ils sont sur YouTube, ils sont sur toutes les plateformes légales. C'est des tueurs. Et un petit coucou à Zaza, Ben et toute l'équipe de la part de Vampire Freaks. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. toi. Quand le mirage s'estompe, tant que tu marches droit, je suis à côté de tes pompes. Eva, rallonge-toi. Quand les visages te lorgnent, l'obscurité te calmera. Elle est d'une fidélité sans borne. Je ne peux plus dire stop et mis à part nous. Je me fous de tout. Comme ces graines, tes silences, ton garde sous ta frange qui me tuera forcément. Conduis-moi au-delà des lignes blanches, au souvenir des premiers émois sur le tracé de tes hanches. Eva, retrouve-moi au bout d'un corridor secret. Je voudrais tant que tu me vois, car plus rien ne m'effraie. Bouscule-moi, paralyse mes sens, épanche-toi sur mon cas, aux frontières de la décence. Je ne peux plus dire stop et mis à part nous. Je me fous de tout. Ces illuminés, y'en a marre, ces illidés à la base, sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vu qu'au puits au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont d'Alma. S'écrire en phoque, l'état de droit, écrire en fait, se faire sentir. Tu parles de Kim et de son poussif, ça me dégoûte. Je compare la pop au son de puriste, je me détruis avec les pets et le sang du Christ. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, figé au puits au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont d'Alma. Mais je pisse sur leur drap blanc comme ces fils de pute qu'aident des enfants transperçant leur bleu étendard. J'ai ni Dieu ni maître, seigneur président, ton salaire, tiens-le étends-le moi. T'es ni pieux ni sincère, malheur perdant ton honneur. Malheur comment tu t'es fait, ça ça reste à ta fée, à ta fée Rothschild. Ça rime mieux que ta fée Belleville ou ta Zéa. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vu qu'il y a au puits au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont de l'Alma. Le sang rouge débordant de la tasse de café ou de la narine, moi je le ferai bien couler sur le cou de la marine. La tasse du FN, là ça me fait pas rire. La commune de Paris, la révolution d'octobre, celle des Paris ou celle des Qataris. Suffoque à ton rythme, y'a pas de catharsis. sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vidéo au puits au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir ma coupe périr au fond du pont de l'Alma. Rockefeller, c'est 3x6. Fais le mec cette fois-ci, ils ont la bombe atomique. J'te raconte pas Tommy, BNP, Mitterrand, VS Tutsi. Et bien paye vétéran, tu l'assures la conscience. Tu fais des pillages et des viols en Algérie. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, fliqué au pur au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont de l'Alma. Burkina Faso, Rip Thomas, Sankara, 11 septembre de façon, que ce soit Oussama ou pas, ça profite à l'OTAN, tous ces états, le pétrole, mais dans tous les états, contrôle France, CFA, uranium, plus précieux qu'un homme, gros bâtard, je le nomme Hadès, c'est le même que ces mecs qui contrôlent le monde à 10, c'est le même que ces mecs qui contrôlent le monde à 10. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vu que j'ai opus au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont de l'Alma. Et c'est écrit un fuck l'état de droit, c'est écrit un fuck l'état de droit. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vu que j'ai opus au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir Macron périr au fond du pont de l'Alma. C'est écrit un fuck l'état de droit, c'est écrit un fuck l'état de droit. Sourire figé à la masse. Et si j'ai sonné l'alarme, vu que j'ai opus au son de la vanne, c'est que j'ai envie de voir ma coupe. Thank you. On est les crétins des Alpes, en direct sur Vampire Freaks. Smoke a marijuana. Ah, ils sont trop cool, les copains de Les Crétins des Alpes. D'ailleurs, pour la petite info, si vous êtes sur la région de Grenoble, ils sont en concert bientôt, là, courant octobre ou novembre. Enfin, les infos, elles sont sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes. De toute façon, je trouverai les infos, je les balancerai sur les émissions, sur la page de l'émission. Donc, on vient de s'écouter I Am The King, le nouveau Motorize. Allez sur la page Facebook de Motorize. On a continué avec Eva Tue-moi, le nouveau Conrad Fight. Allez sur la page Facebook de Conrad Fight. On a continué avec Sourire figé de Ali Bankai. Allez sur la page Facebook de Ali Bankai. Et on a continué avec Bursting K.O. de Mobius. Je les adore aussi, Mobius. Allez sur leur page. Sérieux, je déconne, mais tous ces cinq groupes que je viens de diffuser, là, ils sont vraiment très bons. Et allez sur leur page Facebook, sincèrement, c'est vraiment des bons. On continuera cette émission avec Skinhead Girls de Bad Manners. C'est sur la bonne Hit the Beast, sorti en 1996. On retrouve Return of the Ugly, Pipeline et John Isney, du bon ska à l'ancienne. On continuera avec Once Upon a Nightmare de Epica. C'est le nouveau d'ailleurs. Enfin, il va sortir un. Ils sont sortis un EP là. Faut que je le trouve. Et celui-là, donc Once Upon a Nightmare, c'est sur l'album The Holographic Principle, leur 7e album sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Ace of the Blade, Divide and Conquer et Dancing in a Hurricane. Ils viennent de sortir donc un EP et je vais essayer de me le choper. Et des nouvelles très très très vite. On continuera avec une nouveauté, Les Voleurs de Temps de Regard Oblique, c'est sur leur 2e album 2, c'est un 13 titres sorti en mai 2017. On retrouve Amcor, Asservi, Révolté notamment, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Regard Oblique, ils sont sur Bandcamp et ils sont ces Kebra Records. Je ferai sûrement une spéciale Kebra Records comme j'ai fait avec Music Records durant la saison, mais ça on a le temps, je vous en parlerai. On continuera ensuite avec I Was Wrong de Social Distortion, c'est sur l'album White Light, White Heat, White Trash, sorti le 17 septembre 1996. On retrouve Don't Drag Me Down, When the Angels Sing et Pleasure Seeker, un classique de chez classique. Et on finira ce bloc en live avec Stepping From Reality de Tankard, c'est sur l'album Best of Bourbon, sorti le 12 avril 2004. On retrouve Genetic Overkill, Die With a Beer in Your Hand et We Are Coming Back, du son classique. afin d'atteindre une sagesse. combat manu en vaut bien la peine, car il rend la vie bien plus sereine. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. fucking evening, Hellfest! It's a real fucking great pleasure for us to play here the very first time. Are you ready for some old school thrash metal? At this time, are you serious? Are you serious? Slipping from reality! Et bim, vous l'avez pas vu venir celle-là. On vient de s'écouter Skinhead Girl de Bad Manners, What's Upon a Nightmare de Epica, Les Voleurs du Temps, Nouveau Reggae Oblique, I Was Wrong de Social Distortion, et on a fini avec la pompon sur la Garonne et la cerise sur le gâteau avec Sleeping From Reality de Tankard. Cette 96e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et mes dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Pour terminer, on va partir un peu, on va s'évader. On écoutera Moi les La Même de Racine des Îles. c'est sur l'EP Moins les la même, sorti le 27 juillet 2005. On retrouve Nounana, Moins les la même, Femme et Qui l'a dit ça. Il est réunionnais et c'est une dédicace pour mon copain Ticoc qui habite à Brive-Charensac et qui nous écoute sur sa radio favorite. C'est lui qui m'a fait découvrir ça il n'y a pas aussi longtemps. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas, Vampire Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Et retrouvez-nous sur archive.org. C'est là que tu vois ton vrai ami, tiens-moi. Parce que ami, moi l'avais un gros paquet, mais il était trop gros, la corde l'a cassé. Et il dit cause avec moi. Et il fallait voir comment ce temps était blanc. Mais tout ça l'a pas déjà moi. Des images mon derrière, pareil pour blanc. Quand on est dans le besoin banal, mais c'est là que tu vois ton vrai ami, dis-moi, s'il est vrai. Parce que les amis, moi la vie est gros au paquet, mais il était trop gros, la corde l'a cassé. T'es irrité, cause sans moi. Et il fallait voir comment ce temps était blanc. Bah, mais tout ça l'a pas dit à moi. T'es immense, mon derrière, pareil pour le blanc. Votez-moi, elle est la même. Oui, moi, elle est la même, mon éden. Mon peut-être, moi, la vie, c'est midi, bah non. Mais mes soirs, toujours la même. Oh, moi elle est la même. Oui, moi elle est la même. Écoute, corbeau. Oui, peut-être moi la glisse. Oui, il est vrai. Mais moi la Paris à terre. Oh, moi elle est la même. Oh, moi elle est la même, capitaine. Oui, peut-être moi la glisse. Midi, pas non. Mais il sera toujours à la même. Au moins elle est la même. Au moins elle est la même, mon dada. Non. Oui, peut-être moi la vie c'est midi, pas non. Mais moi la Paris va t'éater. Mais autre maladie, moi t'es gagné pas guéri, oh non, non. Squat et puis moi tout dans les hauts bananes. La mi-entend de mon dit moi la fini moi. Mais la montée pour combien bien d'ici moi. Bon an à mon pays, à cause de fin on tient moi. C'est moi là pas compris. Pas que tout mon ban soit disant amis. Je t'avais la maladie maladie. Mes autres maladies. Moi t'es gagné pas guéri. Oh non non. Moi l'ai la main. Pour moi l'ai la main. Mon énergie. Oui peut-être moi la vie c'est mieux. Pas non. Mais il sera toujours à la main. Moi j'ai la main. Oui, moi j'ai la main, capitaine. Oui, peut-être moi la vie c'est midi, pas non. Mais moi la Paris Batéa. Côté moi j'ai la main. Oui, moi j'ai la main, mon dada. Non. Peut-être moi la vie c'est midi, ouais. Mais il sera toujours à la main. C'est moi de la main. Au moins de la main, écoute ce qu'on veut. Peut-être moi la vie, c'est.